Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Ophir. Salut Ophir, comment tu vas ? Salut Sofiane, tranquille et toi ? Ah, ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, avec plaisir, écoute, tu sais, on s'est croisés sur plein de scènes et tout, donc je me suis dit, écoute, un humoriste qui parle de nos pires anecdotes, voilà, ça peut être sympa. C'est clair, ben, écoute, franchement, le plaisir est partagé. Et justement, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter ? Bien sûr, bon, on en a eu plein, hein, tu sais, les humoristes, on en a eu plein. Hein. C'est clair, tu as vécu des trucs peut-être dans tes débuts, tout ça ? Ah oui, dans mes débuts, c'est sûr, quand je suis arrivé sur Paris, parce que moi, je suis lyonnais de base, et quand je suis arrivé sur Paris, c'était le début du stand-up, etc. Et puis, on louait notre propre salle. Il faut savoir qu'à Paris, on loue nos propres salles. C'est vrai. Et du coup, bah, si t'es malade ou t'as un truc, tu t'en fous, tu joues quand même, parce que ta salle, tu l'as louée. Ouais. Du coup, une fois, j'étais malade comme un chien, frérot. Mais quand je suis malade, alors j'étais enrhumé, j'avais limite les yeux rouges, je sais pas, j'étais HS. Le frère, la salle, je l'ai payé 100 balles, ça me fait chier de perdre 100 balles, tu vois. Et du coup, je joue mon spectacle, mais le pire, c'est que j'ai trouvé l'énergie sur scène. C'est un truc, ça revient très souvent dans les histoires et tout, c'est ce qu'on appelle la santé scénique, tu vois. Ouais, c'est dingue, c'est dingue. Bah, quand t'es sur scène, alors laisse-moi deviner, donc pendant tout le spectacle, tu pétais la forme, et ouais. Dès que le spectacle s'est terminé, t'as repris tous tes anciens symptômes. Ouais, c'est ça, c'est bizarre, comme si... Le corps ou l'esprit s'est dit, vas-y, t'es opérationnel à ce moment-là, vas-y, une heure, 1 hour, je te laisse voir, c'est 1 hour, et après, je te hagal, après, tu te remets. C'est ça, et la hagra, elle a repris direct après, ou ça a... Non, normal, que non, c'est qu'elle s'est prise sur scène, en fait, j'ai eu un échappatoire, on va dire, c'est-à-dire que j'ai joué mon spectacle, et moi, tu sais, je suis très gestuel, mimique, dans mon spectacle, dans mes sketchs et tout. Et du coup, à un moment, je faisais, je sais plus, un sketch sur Michael Jackson et tout ça. Et à un moment, je fais un pas de Michael Jackson et je bouge la tête à droite à gauche comme Michael. Et quand j'ai bougé la tête à droite à gauche, il y a une chnouna, elle est partie jusqu'à l'oreille, frère, un filet. Mais quand je te dis un filet, et là, toute la salle mord de rire. Et tu sais, tu camoufles, tu mets ta main, t'as senti le filet qui est parti, mais un filet, frère. On leur dit, j'ai fait la rivière Kouaï sur mon visage. J'avais jamais vu ça de ma vie. Et du coup, je sens la chnouna qui est partie, qui est remontée jusqu'à l'oreille en filet. Je camoufle avec ma main pour machin. Et tous les gens, ils sont morts de rire, mais fous rire, frérot, pendant 5 minutes. Et là, t'es obligé d'en parler. T'es obligé d'en parler. Ah ouais, j'étais obligé d'en parler. Là, mais un fou rire, quand je dis pendant 5 minutes, ça ne s'arrêtait pas. C'est-à-dire que même, je faisais d'autres sketchs, et les gens, le fou rire revenait. C'est incroyable, tu vois. Et j'ai un pote, il me remet jusqu'aujourd'hui, il m'a dit, le filet de chnouna, de crotte de nez que t'as fait, c'était incroyable, j'avais jamais vu ça, frère, mais la hachma, la honte de ma vie, quoi, j'étais là, j'ai dit, ah, j'étais pas bien, je te jure, j'étais pas bien, mais j'étais obligé de jouer, c'est pas comme là, nous, on s'en fout qu'on a un travail, on est employé, t'as un arrêt maladie, tu t'en fous, t'as l'état et tel, mais là, tu loues ta salle, t'es toi-même, tu dis, écoute, je vais ramasser avec le chapeau, les trucs, t'es obligé de jouer, quoi, tu connais, t'arrives à Paris, tu fais des boulots à droite, à gauche, t'es au RSA, t'es au truc, tu loues avec tes propres moyens, mais voilà, bah, c'était une sacrée anecdote, quoi, je me rappellerai. C'est clair. J'avoue qu'il y a beaucoup de gens, mais tu sais quoi, c'est ça qui est bien, c'est que toi, en fait, tu te différencies des autres, parce que des imitateurs de Michael Jackson, il y en a plein. Mais des imitateurs de Michael Jackson avec une chnouna qui part du nez jusqu'à l'oreille. Michael là, je pense que tu étais le seul, tu vois. Ah ouais, de ouf, le seul. Voilà, c'est sûr que là, je me différenciais. Là, j'étais unique. Là. Jackson Ouna, Michael Jackson Ouna. Michael Jackson Ouna. C'est pas mal, ça. Si ça se trouve, même Michael aurait fait « I like that ». Tu vois, genre, il aurait validé, tu vois. Ah ouais, je te jure. C'était vraiment incroyable, je te jure. Je m'en rappellerai toujours. Est-ce qu'il y a une trace vidéo de ça ? Non. Heureusement, il n'y a pas de trace vidéo parce que là, c'était... Pff, je m'en rappelle, quoi. C'était mes débuts à Paris, mais c'était vraiment... Ah, j'ai un pote qui est dans la salle. Ouais. Est-ce que tu n'as pas pensé à développer le concept genre te faire une affiche avec une grosse chnouna qui part ? Ah, ouais, à ce moment-là, j'avoue que je me suis dit, s'il y a des fous rires comme ça, général... Faut que j'en fasse plusieurs, tu vois, plusieurs chnouna prémédités, placés dans chaque... comme avec une bouteille d'eau, tu vois, sur scène, avec une chnouna qui part, tu sais, placée. C'est ça, tu sais. Et c'est bien, parce qu'après, on regarde les dates de ta tournée, c'est que dans les cabinets médicaux, tu sais. Ah ouais, je te jure. Ah, c'était pas bien, Narzis. Hein. Je peux te dire que là, les gens, ils s'en rappelleront à Ophir. Les débuts d'Ophir, ils s'en rappelleront à vie. Ouais, mais heureusement que, si tu veux, t'es humoriste, donc ça rentre dans ton truc. Si t'étais chanteur. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Si t'étais chanteur ou si t'étais juste un. Je sais pas, ouais, moi. Ça fait le beau gosse, ça chante. Ouais, genre, tu vois, si t'étais juste politicien ou quoi, il t'arrive ça, c'est la honte pour toi à vie, tu vois. Alors que là, toi, les gens ont rigolé, ils se sont dit, bah, il est marrant et en plus, il vient d'arriver un truc marrant. Donc, c'est bon, tout va bien, tu vois. C'est, ça rentre dans l'équation, quoi. Ouais, grave. Ah, je me rappelle. C'est un beau souvenir, c'est sûr. Et du coup, ça t'est jamais arrivé à nouveau d'avoir un petit accident de renonat comme ça Non, c'est là, c'était la pire comme ça, en mode malade. C'était une des pires que j'avais eu comme ça. Anecdote, ouais. je crois que le pire, c'est quand tu rigoles. Et que tu sais, t'as la renona qui sort d'un coup, tu vois, genre, elle était bloquée en fait, et le fait que tu rigoles l'a libérée, tu vois. Ah ouais, de ouf, de ouf. Et le pire, c'est que, tu sais, quand tu fais mytho, genre, ça fait partie du sketch, tu mets ta main, tu sais, comme quand un mec il tombe, il fait style, il a fait exprès de tomber, il continue, il refait le même pas que quand il tombait, tu vois, et c'est ce que j'ai fait, tu vois. J'ai fait style, ça fait partie du sketch, j'ai mis ma main comme ça, comme si c'était un pas de Michael Jackson sur son visage, tu vois. Et les gens, ils étaient mordus, ils étaient genre, arrête, on l'a vu, quoi. Tu sais, genre, c'était cramé. Ah ouais. Ah ben là franchement je compatis hein. Mais ça devait être drôle et puis tu t'en es servi si tu veux t'étais pas enfermé dans un personnage t'étais en stand-up donc tu vois t'as pu rebondir dessus et puis les gens t'ont suivi parce que je crois que le pire je pense que tu seras d'accord avec moi les humoristes le savent s'il se passe quelque chose pendant le spectacle et que tu n'en parles pas c'est là que ça pose problème en fait les gens ils veulent pas que tu fasses comme si t'avais rien vu après quand il arrive un truc sur scène et que tu le gères ça permet de voir ta capacité en impro et tout tu vois les gens veulent que tu fasses des blagues dessus bien sûr ce sera pas les meilleures blagues du monde mais ce sera quand même des blagues que les gens vont aimer parce qu'ils savent que tu l'as inventé sur le moment quoi. Ah, voilà c'est ça et du coup ouais, t'as eu d'autres trucs comme ça bizarres d'autres trucs qui se sont passés sur scène pendant que tu jouais ou ouais, après oui, il y a eu plein de trucs, c'est sûr que sur scène, on en a eu plein, hein, tu sais. Ouais, genre des bides, des trucs. Ouais, bah, tu sais, moi, j'ai joué un petit peu de partout mes prestations. Je suis allé jouer aussi dans des clubs de vacances. Ah, oui. Et j'avais joué dans un club cachère, où un club cachère, et je ne savais pas que c'était des religieux. Ça fait que je joue mon spectacle, j'étais venu pour faire une presta, c'était à Blanes, en Espagne. Et on m'a arrêté pendant le spectacle 5-6 fois, des rabbins, des trucs. Assour, c'est péché ce que tu dis, dans ce que tu évoques. Je dis, mais j'ai pas de gros mots. J'ai enlevé tous mes gros mots, plus, tu sais, les petits gros mots, les machins. Il me dit, oui, mais tu parles d'une femme avec un homme, il y a une relation, ça assour. Kadosh Barouh, il a dit qu'il faut pas dire, oh lolo. Je dis, mais frérot, laisse-moi travailler. Je te coupe pas pendant que tu fais ta prière. Je suis venu là pour faire une prestation. Laisse-moi tranquille, laisse-moi faire kiffer les gens. Il y a des gens, tu sais, ils étaient là, ils étaient chauds, tu vois. Il y avait des gens, ils étaient traditionnels. Il y en avait d'autres qui étaient religieux. D'accord. Et c'était incroyable, je trouvais. Oh, je ne pouvais pas jouer. Tout ce que je disais, c'était péché. Ça veut dire, j'ai vu une femme dans la rue. Là, c'est péché, tu vois. Après, ouais, c'est comme c'était organisé de manière religieuse, forcément, ouais, il y avait quelques blocages à ce niveau-là. Après, je peux comprendre parce que c'est des gens, tu vois, quand ils organisent ça, ils veulent pas prendre le risque que quelqu'un soit offusqué par quelque chose, même s'il n'y a pas de vulgarité en tant que telle, parce que tu avais enlevé la vulgarité, voilà. Ils ne veulent pas qu'il y ait un risque de ne pas accrocher au sujet, tu vois. Ils veulent que ce soit 100% tout public, voilà. Je peux comprendre, mais je pense que ce qu'il aurait fallu, c'est qu'ils te préviennent dès le départ, qu'ils te disent « attention, pas de gros mots ». Ne parle pas de relations entre hommes et femmes et tout, ne parle pas de tel sujet, mais, de la guerre, de je sais pas. Bah tu vois. Oui, mais c'est dur de faire un humour chassidique, comme on dit, tu vois, halal. Mm-hmm. C'est dur de faire un humour halal ou, tu vois, kasher, c'est chaud parce que ça fait partie de la vie. Les relations amoureuses, les machins, les trucs, tu vois, c'est compliqué, quoi. Ouais, après, enfin, ils auraient dû à ce moment-là se renseigner avant parce qu'ils avaient vu ton spectacle avant et ils avaient dit viens le jouer chez nous. Ouais, bah, ils avaient vu des extraits, des choses comme ça. Ouais. Ils avaient entendu parler de moi. Ouais, bah, du coup, ils auraient dû se rendre compte que ça correspondait peut-être pas exactement à leur ligne artistique, quoi. Ouais, bah, écoute, et puis je devais faire 3 clubs dans les 10 jours, parce que c'est la fête de Pessard. Et après, j'ai fait un autre. Et là, c'était super cool. C'était des feux traditionnalistes, tu vois. traditionnel et tout. Du coup, les gens, là, ils étaient morts de rire. Ah, j'ai adoré, c'est super bon. Tu sais, c'était des feux à la cool, quoi. D'accord. Où j'étais okay. allé, c'était la limite, les papillotes et tout. Et c'est là que tu vois, il y a deux salles, deux ambiances, des fois, tu vois. Bah après ouais, c'est juste une question de prévenir les gens à l'avance, tu vois. Si on te dit par exemple viens jouer ton spectacle et qu'on te prévient pas que tel sujet sont pas autorisés dans cette soirée là, ben toi forcément je veux dire tu peux pas changer sur place quoi. Tu vois, c'est bizarre, c'est dommage quand il y a un problème de programmation comme ça. Tu connais Julie Villers ou pas? Ouais, de nom, je connais de nom. D'accord. C'est une excellente humoriste belge, elle était dans le podcast aussi, et elle m'a raconté qu'une fois, il y a une ville qui l'a fait venir pour un atelier avec des enfants et tout machin, elle a fait l'atelier avec eux, et elle, son humour est très noir, tu vois, elle est vraiment piquante et tout. Et on lui dit, viens jouer ton spectacle pour nous, elle vient jouer dans la commune, et après, sur l'affiche, ils ont enlevé le titre de son spectacle. Tu sais, l'affiche, en fait, elle était assise avec genre du sang sur les mains et tout. Son spectacle s'appelait « Je buterai bien ma mère un dimanche », tu vois. Donc, donc ça annonce la couleur, tu vois. Ouais, bah oui. C'est sûr que là, avec un titre comme ça, ils savaient à qui ils ont affaire, quoi. Voilà, ben eux non apparemment, tu vois. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'en plus ils ont enlevé le titre, ils ont mis que l'affiche, ils ont pas mis le titre avec, tu vois. Ils ont juste mis genre spectacle, machin. Donc les gens savaient absolument pas ce qu'ils venaient voir. Quand ils sont arrivés, ben elle a joué normal. Et là, pendant qu'elle jouait, il y avait le présentateur sur le côté qui lui faisait des grands signes et tout. Elle se débrouille pour aller en coulisses alors que normalement elle sortait pas, tu vois. Elle se débrouille pour trouver, tu vois, genre une petite échappatoire et tout. Elle va le voir, elle lui fait qu'est-ce qu'il y a? C'est genre en mode, enfin, je sais pas, peut-être est-ce que mon micro marche pas ou je sais pas, tu vois. Ouais, je crois que c'est un truc technique, quoi. Voilà, et il lui fait ça va pas, faut changer ton texte, les élus sont pas contents et tout. Et il lui dit ça en plein milieu du spectacle, quoi. Bah oui, mais ils sont malades, les gens. Bah oui, comment mais on va changer un texte, c'est un spectacle. Bah oui, on est d'accord, tu vas pas changer en plein milieu. Elle a continué telle qu'elle, et à la fin, il lui restait encore un petit morceau. Le mec, il a profité d'un noir. Il y avait une chute, tu vois, un noir sec. Donc, la scène n'était plus éclairée. Et là, à ce moment-là, donc il a profité d'un moment où elle avait demandé à éteindre les lumières. Et à ce moment-là, il est arrivé sur scène et il a fait « C'était le spectacle de Julie Villers. Merci beaucoup. » Il a coupé le spectacle. Non, au bout de combien de temps? Un quart d'heure, 20 minutes? Je pense qu'il restait peut-être plus 5 ou 10 minutes. Mais genre, il l'a coupé parce qu'il voyait que ça allait pas et tout machin. Et il l'a censuré au final. T'imagines? Ouais, c'est fou. Bah, bien sûr. Il y a des gens... Je pense que c'est une erreur de base, parce que si tu achètes le spectacle de quelqu'un, c'est que tu adhères à son univers, tu vois. Ah, mais c'est sûr. Tu peux pas dire viens, et par contre, tu fais exactement ce que nous, on demande. Non, soit je te prends tel quel, soit je te préviens, je te dis alors attention au fir, j'ai bien aimé ce que tu faisais, par contre, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais écrire un petit truc vraiment qui parle pas de ça et tout machin, et à la limite, je te rajoute un petit truc sur le cachet, tu vois, pour te remercier de ce travail supplémentaire, quoi, c'est tout. Mais je te dis pas viens, et puis après je te dis bah finalement non, ça va pas ce que tu fais, je t'ai demandé de venir, tu vois. Bah oui, c'est n'importe quoi. Moi je sais, j'en ai eu plein, frérot, d'anecdotes comme ça. Je fais encore un autre qui m'envoie dans un club cachère et j'arrive et je vois que c'est religieux. Du coup, je commence à faire des animations, je mets des musiques, il me coupe les musiques, il me dit c'est péché tes musiques. Il parle à une femme, il raconte une déclaration d'amour, machin. Il dit d'ailleurs, si tu fais ton spectacle, j'espère que tu parles pas de ça parce qu'on te coupe le micro. Je dis, bah écoute, c'est quoi? Je lui dis, je ne fais pas le spectacle, c'est bon. J'ai senti la patate parce que j'avais déjà eu l'anecdote. Je dis, je fais pas le spectacle. D'accord. Oh, c'est dommage. Ouais. Ah ouais, tous les gens ils me demandaient alors c'est quand ton spectacle? J'ai dit bah écoute, c'est compliqué quoi, on est en. j'ai envie de rentrer vivant. Je tiens à la vie. Il y a un traiteur charcutier qui est là, un traiteur pâtisserie, on ne sait pas ce qui peut m'arriver. Le mec, il a tous les outils qu'il faut. Je préfère être prudent. Après, est-ce que les autres fois, est-ce que la fois d'après qui t'est arrivé ça, qu'on t'appelle par exemple pour jouer dans un club cachère, est-ce que tu as pas dit attention, je vous préviens, voilà, ce qu'il y a dans mon spectacle, quoi? Non, parce que en fait, le mec qui m'a vendu, il a dit ouais, ils sont super cool. Je dis mais attends, toi tu vas te mettre à la cool, tu vas à Marrakech, c'est traditionnel. Tu me dis c'est des religieux là-bas. Où tu m'envoies en Espagne, tu me dis c'est à Lloret del Mar, je sais pas où. Je dis frérot, j'ai pas envie d'aller dans un bourbier. Il me dit non, t'inquiète pas, j'ai déjà animé là-bas, ils sont super cool, t'inquiète pas et tout. Et ben voilà. Ça arrive malheureusement, mais bon. Et le mec, après... il voulait pas me payer, hein. Ah carrément. Ouais, il me dit, écoute, Ophir, t'as bien mangé, t'as bien dormi, t'as passé un bon séjour, mais on peut pas te payer. On n'est pas content de la prestation. D'ailleurs, et il voulait pas payer les autres animateurs aussi, enfin, l'autre qui était avec moi, qui était un humoriste, Feuge, bah, bon, de toute façon, je dis son nom parce qu'on s'en fout, même lui, on en a rigolé, c'est Gérard Bena qui tenait le... qui tient le... Ah. Tu connais Bena, ouais. Oui, bien sûr, ouais, j'ai joué voilà, chez lui, aux E-Artistes. Voilà, c'est lui qui m'a mis sur le coup, tu vois. Et il voulait payer personne, et je dis, écoute, je le regarde, il avait, c'est un cousin avec les papillotes et tout, je dis, écoute, frérot, j'ai fait une prestation, t'es pas content, tu me donnes ce que tu me dois, moi je suis venu, je me suis réveillé tous les matins à telle heure pour faire le footing, les trucs, les machins, mais tu me donnes ce que tu me dois, sinon, la navette, elle part pas. Et il y a une navette avec tout, on devait tous partir, parce que c'est au moment où tu reçois la paye, au moment de quand on reprend l'avion, j'ai la navette, elle part pas, je vais crever les roues, là je me chauffais, frérot. Je dis là, j'ai été sympathique, on a rigolé. Moi, je lui dis, il n'y a pas de Torah, il n'y a rien du tout. Soit je te rentre dedans, soit machin. Je suis allé franco. Parce que là, en fait, je te comprends totalement. Parce que là, c'est une question de respect. C'est-à-dire que le mec ne soit pas content de ta prestation, c'est son droit. Mais dans sa phrase, il y avait le mot prestation. Ce qui veut dire que tu as fait ta prestation. Tu n'as pas raté. C'est pas comme si tu étais arrivé là-bas et que tu avais dit, bah, tu sais quoi, je ne joue pas. Je fais rien du tout. Non. Bah oui. Là, à ce moment-là, il pourrait te dire, bah, t'as pas joué, t'es pas payé. Là, c'est normal. Mais c'est ça, je me suis démêlé. Tous les matins, à telle heure, j'étais là pour le footing, le machin, même si les gens, ils n'étaient pas motivés. Parce qu'en fait, ils nous ont donné, tu sais, un programme du Club Med dans un club religieux. Ça veut dire à 9h du matin, footing. Mais les gens, tu connais chez nous les Harbi ou les Feuge, il y a un déjeuner jusqu'à 11h. Mais les gens, ils ne bougent pas du petit déjeuner, frère. Oui, ils bougent pas du... Donc, c'est là tous les jours. Et les gens, ils n'étaient pas motivés pour le footing. Ils disaient, on va déjeuner, laisse tomber. Ils me disent, c'est à toi de les motiver. Je dis, mais j'étais là, frère, je fais le tour d'étape, machin, je restais là dans le lobby. On va pas se mentir, chez nous, c'est beaucoup plus fooding que footing. Voilà, exactement, fooding que footing. Ça, non, c'est sûr. Parce que franchement, c'est ce qui m'embête en fait là-dedans, c'est un message que je lance un peu aux organisateurs et tout, c'est arrêter de penser que vous pouvez payer la personne si vous avez aimé ou pas. Non, c'est vous avez fait venir la personne, elle a fourni une prestation, et bien vous payez la prestation, c'est tout. Si tu vas à la boulangerie et que tu achètes ton pain et tu arrives à la maison, tu le manges et finalement le pain il n'est pas bon, tu ne vas pas retourner voir la boulangère et lui dire remboursez-moi le pain, finalement il n'était pas bon. Bah oui, voilà, surtout que nous on met d'autres projets de côté. À côté de ça, tu vois, on est là, on a mis d'autres, parce que le truc, il dure 10 jours, tu pars à l'étranger, nanana. T'as refusé dates et tout, des dates, tu t'es vraiment impliqué là-dedans, on te paye ce qu'on te doit, voilà. Après, bien évidemment, la liberté de la personne, c'est de ne plus jamais faire appel à toi. Si jamais la personne n'a pas aimé, là, c'est normal qu'elle ne te rappelle pas. Ça, je peux le comprendre. Bah, c'est, ça, c'est sûr. Et puis, voilà. Moi aussi, Mais te dire, j'ai pas aimé, bah, je te paierai pas. Non, ça par contre, je suis désolé, c'est non. Ouais, bah ouais, grave. Le mec sous la menace, il t'a payé, ouais. Ouais, bien sûr. Il me dit, bon, quand j'ai commencé à lever la voix et lui dire machin, il me dit, bon, mais qu'est-ce qu'il voulait me faire? Il me sort la moitié de la paye. Il me dit, voilà, bon, tiens, Hachem, il faut accepter, comme dit Allah, Hachem, tiens, voilà, prends ce qu'il y a. Je dis, quoi, prends ce qu'il y a? Écoute, mais tu veux me la jouer à l'envers ou quoi? Tu me donnes 50%, c'est quoi? C'est les sables? C'est la troisième démarque de chez Zara ou quoi? Mais frérot, tu vas me donner entièrement ce que tu me dois. Oh là là là là. Quand même, il a été persévérant parce que j'aurais pensé qu'il avait lâché complètement, mais il a dit, ok, je lâche, mais que la moitié, tu vois. Voilà. Et après, il voit que je me vénère, il appelle son frère et tout pour parler dans l'oreille, il revient, il me donne, il me dit, voilà, il me donne la totalité. Et moi, tel que je suis, tu connais, nous, les feux ou les machins, je dis, dis-moi. Et la valise que j'ai payée en supplément en soute. Parce qu'il m'avait pris le billet sec. Je dis, mais comment il peut prendre un billet sec? Il a pris un billet sans valise. Oh. Je dis, mais c'est quoi ça? Je dis, mais voilà. Surtout pour 10 jours. Bah oui. Si tu mets des déguisements, si des trucs. Si c'est pour 2 jours, à la limite, un petit sac à dos, tu peux mettre les affaires dedans et encore. Ah, et ouais. Encore, tu vois. Gérard Bena, il n'en pouvait plus. Il m'a dit, frère, il a payé tout le monde à la fin. Hein. Et ouais, Gérard, il me dit, ah, t'as été bon, frérot. Je dis, mais bien sûr. Tout le monde, vous avez tous fait une prestation. Vous avez tous levé le matin. Vous avez tous fait vos trucs. Tout le monde est payé parce que j'ai chauffé tout le monde. Je vais pas nous payer, les gars. Je vous avertis, ça commence à chauffer. Et du coup, il a payé tout le monde à la fin. Le DJ, le machin, le truc. Donc, grâce à moi, tout le monde a été rémunéré. Mais franchement, t'as bien fait. Là, t'as été le porte-parole, le héros, là. Ah, grave. Parce que comme j'étais le chef animateur et tout ça, du coup, bah voilà. À moi de. Voilà. Bref, mais c'était exceptionnel. Hein. Ah, mais c'est tellement, ça fait tellement mal quand tu vois que le mec, il profite de sa place, tu vois. Il se dit, si je veux, je le paye, si je veux, je le paye pas. Oui, mais non. Et c'est surtout qu'il se cache derrière Dieu. Il dit à Kadosh Barouh, Allah, tu connais, voilà, faut accepter ce qu'on nous donne. Je dis, mais qu'est-ce que tu me parles d'Allah, d'Akadosh Barouh, machin. Mais non, il n'y a, pas de religion, justement. Là. Tu me donnes ce que tu me dois. Il n'y a pas, de Dieu. Tu sais, justement, si tu es réglo, et bah, envers Dieu, et bah, tu donnes ce que tu donnes ce que tu dois donner. C'est ça, exactement c'est ça. Nous, ce qu'on dit dans l'islam, en fait, c'est que quelqu'un qui a fait un travail pour toi, tu dois le payer avant que la sueur ait eu le temps de sécher. Donc, c'est ça. Il ne faut pas dire, ouais, Dieu, il a dit, il faut se contenter de peu. Non, Dieu, il a dit, respecte tes engagements. C'est surtout ça que Dieu a dit. Tu t'es engagé à me payer, tu me payes, c'est tout. Moi, je me suis engagé à jouer, j'ai joué, j'ai respecté ma part du contrat, tu respectes ta part. Voilà, exactement. Et du coup, derrière, j'imagine que tu n'as jamais rebossé avec ce gars, quoi. Ah, bah ouais, mais pas en rêve, hein, frérot. Je t'ai dit, je mettais de la musique, j'ai mis même de la musique qui était hébreu pourtant. Hein. C'est-à-dire, j'avais des musiques balbéli, auto et tout. Le mec, il m'a arraché les fils. Il m'a dit, assourd, péché. Il parle à une femme, il y a une déclaration d'amour. Donc, je ne pouvais pas animer, en fait. C'est-à-dire, pendant 10 jours, j'ai passé où je ne pouvais rien faire. Ni mettre des musiques d'ambiance, ni animer, ni faire mon spectacle. C'est incroyable. Et à ce moment-là, moi, j'ai l'impression que dans ce genre d'endroit-là, en fait, peut-être que ce genre d'animation, ce n'est pas une bonne idée. Peut-être qu'il faudrait plus faire des animations autour de la religion, justement, tu vois. Des sermons fêtes, et tout. Voilà, c'est ça. Et puis que du sport. Je faisais après, je les amenais au sport, quoi. Voilà. Mais genre, rien de festif. Parce que festif, ça va être musique, ça va être, tu vois. Voilà. Du coup, moi, ce que je faisais, c'était le sport. J'organisais des matchs de foot, des beach volley. Tu vois, des trucs comme ça, quoi. Des jeux de cartes, des pokers, voilà. Oui, bah après, tu t'en es bien sorti quand même. Moi, la question que je me pose, c'est les gens, comment ils ont reçu tout ça, le public, en fait. Comment ils ont reçu ta prestation et tout? Bah là, non, je ne l'avais pas fait, ma prestation, mais ils ont aimé, hein, ils ont rigolé, ils ont kiffé, mais après, voilà, quoi. Ils ont vu qu'il y a des gens, oui, il y a des religieux qui ne veulent pas, quoi. Choqués, ils ne veulent pas, voilà, quoi. Ah, c'est dommage. Il y a toujours du pour et du contre, hein, c'est sûr. Ah bah écoute, en tout cas, c'est pas facile, mais tu vois, ça fait partie des galères d'humoriste, les galères d'argent, malheureusement, quand les gens veulent pas te payer. Moi, ça me rappelle une fois, pareil, je devais jouer dans une chicha, et déjà, le mec était un peu évasif, tu vois. Il m'a dit, ouais, viens jouer et tout, machin. Bon, à l'époque, il m'avait demandé de jouer genre 10-15 minutes, tu vois. Ah ouais, et dans les chichas, à 10 minutes, je peux te dire que c'est une heure. Hein. Déjà. Tu sens les minutes passer hein, dans une chicha. On est d'accord, tu le sais dans ces cas-là, tu vois. Et il m'avait dit, je lui avais dit, ok, tu payes combien? Je crois qu'il m'avait dit, je vais te payer 50 ou 60. Donc, dans ma tête, je partais sur minimum 50, on est d'accord. Tu vois normal. Sauf que je termine et il me file 40. Ouais. Voilà. Et le mec, je lui ai dit… C'est toujours de gratter. Non, mais tu vois, mais je lui ai dit… Mais c'est bête parce qu'il perd des gens, parce que toi, tu vas faire une réputation à d'autres. Il y a d'autres humoristes, on se connaît tous. Donc, du coup, tu vois, son lieu, il ne va plus avoir d'humoristes, quoi. Les gens qui ne sont pas réglo comme ça, ils perdent en crédibilité. Totalement. Les professionnels, bah oui. Voilà, et à l'inverse, quand tu as un lieu, que ce soit un café-théâtre, une chicha, n'importe, tu vois, où le mec, il est vraiment sérieux et il te paye en temps et en heure et il ne cherche pas à t'embrouiller, tu vas dire, tu sais quoi, va jouer là-bas, fonce, va jouer là-bas. Tu vas dire ça à tous les collègues, tu vas lui faire une bonne pub. Mais oui, les gens parlent, c'est normal, tu vois. Bien sûr. Y a du bouche à oreille de spectateurs, genre va voir Ophir, son spectacle est sympa et tout machin. Et il y a aussi l'inverse, tu vois, chez les humoristes, attention Ophir, va pas jouer là-bas, c'est des bâtards et tout, tu vois, voilà, c'est comme ça, il y a tout, il y a le bouche à oreille des spectateurs, le bouche à oreille des humoristes, même le bouche à oreille des programmateurs, parce que programmateur, dans l'autre sens, mettons, un humoriste arrive, il dit non, moi, tu sais quoi, je joue pas si j'ai pas ça dans la loge, tu sais, genre il commence à faire sa diva, le mec il va lui faire dégage. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va parler aux autres programmateurs, il va faire faites attention, ne le programmez pas, parce que voilà. Moi, j'avais entendu une histoire, j'espère que tu es prêt. Le truc, c'est que je connaissais un gars, on s'était rencontrés sur Paris, et donc le gars, il a joué et tout, il a bidé total, et bon, moi, j'étais passé, j'avais marché, franchement, ça va, j'avais pas cartonné, mais j'avais bien marché. Le mec, il vient me demander des conseils et tout, machin, genre, tu sais, moi, je suis vraiment pas un bâtard, tu vois. J'ai toujours voulu tendre la main au même titre que j'espérais que moi, on me tende la main. Donc, j'ai dit, ok, pas de souci, on se donne rendez-vous et tout. On se donne rendez-vous à Paname. Donc, lui, moi, j'étais dans le quartier, j'étais à Guimauquet et lui, il était à Barbès, tu vois, à peu près. Et je lui ai dit, écoute, ce que je te propose, on se retrouve à Blanche, tu vois, genre, ou à Place de Clichy. Comme ça fait réti-réti, moi, tu te trajets chacun. Exactement, genre, en mode, on fait chacun un effort. Et il me fait, ok. Et après, je prends le métro et il me fait « Ouais, finalement, frère, je suis toujours à Barbès, machin, ça te dérange pas ?» Bon, j'ai dit, OK, il se fout de ma gueule. J'arrive à Barbès. Je lui avais dit, en plus, j'avais fait exprès, puisqu'on devait manger ensemble. J'avais fait exprès de ne pas manger. Du coup, j'avais la dalle, tu sais. Ouais, Et je dis, allez, bon, bah, on va manger, tu vois. On se pose. Il y a un truc ici, on y va. Et il me fait, non, non, viens, viens, on marche, on marche. Et le mec, il me fait marcher, marcher, marcher, marcher. Bon, je me rends compte qu'en fait, le gars, il essaye de m'embrouiller pour pas. Parce que moi, je ne lui demandais même pas de m'inviter. Hein, mais je crois qu'il était tellement en galère que, genre, il ne voulait même pas dépenser un centime, tu vois. On part et tout, on marche, on marche, on marche. Je lui donne des conseils, j'essaie de lui expliquer. Je lui dis, écoute, là, ça, c'était pas marrant, malheureusement. Pour le rendre plus marrant, tu pourrais dire comme ça, tu pourrais dire comme ça. Vraiment, j'ai essayé de lui rendre service. Ouais, en plus, t'es là pour lui rendre service. T'es là, il est en retard, il te donne rendez-vous, il bouge pas. Ouais, vas-y. Non, on est Vraiment, t'as pas d'accord, on est mangé. d'accord. Une belle embrouille, tu vois. Donc après, le mec, je lui donne tous les conseils que je peux et tout. J'ai essayé d'être sincère. À la fin, du coup, on n'a même pas mangé. Je suis parti manger vite quand je lui ai dit au revoir et tout. Je suis vite parti manger parce que vraiment, j'avais fait exprès de pas manger depuis le matin. Je pensais qu'on allait manger, discuter, tu sais, en mode voilà quoi. Tu nous connais, voilà, comme tu me disais tout à l'heure, tu vois, genre les feux, les rebeux, la bouffe chez nous, c'est, tu vois, voilà, c'est genre, on veut faire honneur en fait. On veut faire honneur au Bah plat, tu vois. oui, bah oui, On grave. est d'accord. Donc après, on se dit au revoir et tout. Moi, je pars manger dans mon coin. Le mec, j'ai pas de nouvelles et tout. À un moment, il vient, tu sais, genre, il likait en fait, il likait tout ce que je faisais, tu vois. Très gentil, hein, c'est gentil de sa part. Hein, je suis pas en train de dire que voilà. Mais il likait tout ce que je mettais. Dès que je balançais un truc, il likait. C'est pas à un moment, il vient me voir en privé, il me fait, ouais, t'as vu? Moi, je te like depuis le début. Je te soutiens. Toi, tu likes jamais ce que je fais. Et je dis, alors déjà, premièrement, je ne t'ai jamais rien demandé. Enfin, c'est gentil à toi. Merci pour. Tiens, mais je ne t'ai jamais demandé de le faire, ne te sens pas obligé. Deuxièmement, on ne peut pas obliger les gens à dire like ce que je fais. Troisièmement, genre, je devais avoir peut-être 3 ou 4 000 amis. Je dis, t'imagines combien d'informations passent? Je rate la plupart, tu vois. Je dis, donc voilà, je ne vais pas faire ça sous la contrainte, tu vois. Je dis, voilà, et donc on s'embrouille. Le mec, il me bloque. Du coup, moi, j'ai été bloqué aussi. Comme ça, je me suis dit, si un jour il me débloque, il sera toujours bloqué, tu vois. C'est le double blocage. Double blocage, c'est Et donc, incroyable. mais, eh ben, écoute bien la suite. Parce que là, ça, c'est ma partie à moi où je me suis dit, ce mec-là, il est vraiment pas fréquentable. Ce qui se passe ensuite, c'est qu'il y avait un groupe à l'époque sur Facebook où les humoristes donnaient, tu sais, ça s'appelait Top et Flop. Tu vois, justement, ils donnaient les informations. Ils disaient, les gars, allez jouer là, le mec est cool, tu manges bien, il te loge, il fait tout. Et à l'inverse, attention, allez pas chez lui, il me doit de l'argent et tout, tu vois. Voilà. Donc, c'était ça. C'est un humoriste. Qui tourne pas mal et tout, tu vois, qui est parti mettre un message pour dire attention, si ce mec-là, donc le mec que j'avais rencontré à Paris et qui m'avait embrouillé là, tu vois, si ce mec-là vient vous demander une première partie, surtout ne l'acceptez pas, ne lui répondez pas. Donc C'est moi, lui dans qui ma tête, écrit ça, c'est lui qui écrit ça, le mec que tu avais connu là. non, non, non, non, non, c'est un autre humoriste qui a Ah, qui parle de lui, qui parle de lui, celui que voilà. tu avais rencontré. C'est ça, il devait le prendre en première partie. Il raconte l'histoire, parce que moi, quand j'ai lu ça, dès que j'ai vu le nom du mec, j'ai dit, ah, ça va être une embrouille, mais ça m'intéresse. Bah oui, tu l'as Et tu sais, connu. on est en mode sort les popcorn, frère. Grave, et puis t'étais resté sur ta dalle, donc tu t'en rappelles très bien. Mais de ouf, laisse tomber. Donc moi, je dis, allez, c'est quoi l'histoire? Donc l'histoire, c'est que ce fameux humoriste, mauvais humoriste, quoi, il envoie un message à ce gars-là qui tourne bien. Il lui fait, s'il te plaît, est-ce que je peux faire ta première partie ce soir? Le mec, il lui fait, OK. Il dit, tu sais, il a été sympa en plus. Il lui a dit, OK, tu vois. Ou je sais pas s'il lui avait demandé plusieurs jours avant, mais en tout cas, il avait l'accord. Il lui dit, viens à 19h30. Tu viens à 19h30. 30. Et il fait OK. Le mec, il se pointe à 19h45. Il arrive là-bas. Le patron du café-théâtre lui fait, je suis désolé, on t'avait dit 19h30. Là, il est 19h45. C'est trop tard. Tu pourras pas faire de régie. Tu pourras rien faire. T'as pas respecté l'horaire. Désolé, tu feras pas de première partie. Et là, le mec, il fait, mais non, non, non, je dois la faire et tout. Tu sais, il était très, très agressif, tu vois. Et l'autre, il lui fait, non, tu la feras pas. Je suis désolé. On t'a donné un horaire. Tu l'as pas respecté. Tu assumes. Le mec, c'est pas derrière. Il est parti péter la vitrine à coups de caillasse. Tu mens. Je te jure, C'est vas-y. un psychopathe, le mec, en fait. T'avais affaire à un psychopathe. T'as tout compris. Voilà. Et donc, ce mec-là, donc l'humoriste à qui il devait faire la première partie, il a dit surtout n'acceptez pas, c'est un mec dangereux et tout, tu vois. Enfin, dangereux. C'est pas, il est dangereux, il est juste bête, quoi, tu vois. Et Bah, donc, il a caillassé quand même, un peu non, dangereux, il a quand caillassé, mais si tu veux, voilà, c'est. Voilà, genre, il a fait la caïra et tout pour rien, quoi, tu vois, alors que juste, il n'a pas respecté un engagement. On lui a dit 19h30, il se pointe en retard, ben il se pointe en retard, c'est tout. Et donc voilà, en gros, le mec, il était capable de faire ça. Et après, je l'ai recroisé sur une autre scène. Je jouais dans un festival et l'organisateur du festival, c'était un ami. Et il m'a fait, ouais, il y a un tel qui vient ce soir. Et c'était le fameux mec qui avait caillassé. Oh Et là là. je lui ai fait, alors écoute, je lui ai fait vraiment Déjà artistiquement, très honnêtement, tu vas être déçu déjà, parce que vraiment, je dis pas ça en tant que genre en jalousie ou quoi. Hein. Je dis vraiment ça parce que les gens ne se marrent pas. Enfin voilà, il est pas bon, il est pas drôle. Oui, il est agressif quoi, même dans sa façon de jouer, il est voilà, il est pas fin. Après non, bah, très honnêtement, je l'ai vu sur scène et très honnêtement, il y a une grande différence entre son côté je caillasse des vitrines et son côté. Il essaye de bien faire, mais c'est pas drôle. Ouais. C'est juste, ça prend pas, c'est tout. Mais vraiment, tu le vois sur scène, tu as l'impression que c'est un mec lambda qui essaye de percer, tu vois, c'est tout. Là, lui, non, lui, c'est... tu sais, tu as l'impression que c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, tu vois. Ouais. Voilà. Et donc, après, j'ai dit à mon pote, fais attention, méfie-toi, ce mec-là, il est... Voilà, il a fait ça, il a fait ça. Je lui ai raconté l'histoire de la vitrine. Et après, il m'a dit, t'inquiète pas, parce qu'en plus, mon pote, c'est un agent de sécu à la base. Donc, t'inquiète pas, s'il faut gérer, il va gérer. Il m'a dit, t'inquiète pas, si je bouge une oreille, je le défonce. Et il m'a dit, on verra ça ce soir. Et là, je l'ai vu, il est venu me saluer. Je lui ai fait un salut. C'est, genre, je l'ai salué comme je saluerais mon pire ennemi, tu vois. Et je l'ai même pas calculé, quoi. Il est parti après sur scène, il a fait sa prestation, il a pris son bide et il est parti, tu vois. Normal, mais propre. Il est venu, il a fait son truc, il est reparti. Donc, je me dis, peut-être que l'histoire de la vitrine, tu vois, ça a dû lui porter préjudice de ouf. Il y a certainement eu une plainte déposée ou quoi. Donc, peut-être que le mec en a pris de la graine. Mais en tout cas, voilà, c'est pour dire, il était toujours pas drôle, mais au moins, peut-être qu'il était respectueux, quoi. Ah, je vois. Donc, c'est important de se dire qu'il y a toujours du bouche à oreille. Si tu es un bon humoriste, les spectateurs vont parler de toi. Si tu es un bon organisateur, les humoristes vont parler de toi. Bien sûr. Quoi? C'est sûr. Ça va vite, hein, le bouche à oreille, c'est sûr. C'est ça. Et on se partage les infos et tout. Moi, je sais qu'il y a des potes qui m'ont dit « Là, tu peux y aller tranquille, les yeux fermés. » Et quand ils me disent ça, je leur fais confiance et j'y vais et je ne suis pas déçu, tu vois. Et des fois, quand ils me disent « Attention, on n'y va pas. » Après, il faut peser le pour et le contre, hein, parce que bien évidemment, tu vois, faut avoir plusieurs cloches, on va dire. Mais des fois, c'est aussi l'humoriste en question. Tu vois, par exemple, là, le mec en question qui a pété la vitrine, s'il en parle à ses amis… Il ne va pas leur dire « N'y allez pas, j'ai fait une bêtise ». Il va leur dire « Non, c'est des enfoirés, ils m'ont refusé et tout ». Tu vois, il va donner une mauvaise réputation. Donc, il faut faire attention à qui tu as affaire quand même. Il faut que ce soit un avis fiable. Ouais, bah c'est sûr. Certains, faire attention. Parce que lui-même, il peut salir alors que toi, tu organises une scène ouverte. Il peut salir ta scène ouverte parce que lui, sa prestation n'a pas marché et tout. Et puis, il racontait des bobards et tout. Donc, il faut faire attention à qui tu recrutes des fois, avec qui tu travailles, etc. Tu vois, c'est sûr. Ouais, mais après, quand tu connais les gens un petit peu, mettons ce mec-là, tu le connais, tu vas très vite le cerner. Moi, j'avais vite cerné le personnage, tu vois. Si tu le cernes très vite et qu'il te dit va pas chez lui, fais pas confiance à lui, tu vas te dire toutes les infos qu'il me donne, là, il faut que je les prenne à l'inverse. Ouais. Ah oui, c'est comme ça. Et au contraire, un mec fiable, un mec avec qui tu as passé des bons moments, tu sais que c'est un mec droit, qui n'a jamais arnaqué personne et tout. Là, lui, il te dit fais attention à telle personne. Là, tu te dis ouais, je vais quand même faire gaffe, quoi. Ouais. Et oui. Grave. Et en tout cas, la seule bonne nouvelle là-dedans d'avoir rencontré toutes ces galères, c'est qu'on a pu en faire un épisode du podcast. Ouais, et donc tu avais au cours de ta carrière, tu avais une autre anecdote à nous raconter. Ouais, en fait, parce que tu sais, nous on vient du One Man Show et puis des fois on a des propositions d'autres projets et puis je m'étais lancé dans les pièces de théâtre sur Paris. Donc des bonnes grosses pièces qui jouent, où il y a des cachets d'intermittents, etc. Je me dis, tiens, ça va me sortir un peu de la galère, au moins c'est un truc fixe, tu vois. Et puis, ce qui est bien quand tu fais des pièces, c'est que bah, t'as ta prestation qui est rémunérée à chaque prestation, quoi. Donc, tu ne te soucies pas du public, comme il va y avoir de personnes, etc. Et tout. Donc, c'était cool. Je me dis, tiens, je rentre dans une machine et tout, quoi. Et donc, ça se passe bien, avec la comédienne, ça se passe bien. Et au bout de 3 mois, je ne sais pas ce qu'elle a eu, la comédienne, elle a pété un câble. Alors moi, je n'avais jamais joué, tu sais, avec une comédienne, je ne savais pas comment ça se passait, etc. Et du coup, elle allait se plaindre à moi, au directeur du théâtre, en disant « oui, je ne sais pas ce qu'elle a dit ». Et le directeur me convoque et dit « oui, tu ne vois pas qu'elle va pas bien, c'est à toi de la réconforter, tu ne vois pas que machin, tu lui mets la pression ». Je dis « mais j'ai fait quoi ? Je ne suis pas assistante sociale, moi ». Je viens, je fais ma prestation, je ne sais pas, moi, qu'elle est névrosée, la meuf, je ne sais pas qu'elle avait un problème d'ego, tu vois, j'ai dit « qu'est-ce qui se passe, tu vois ?» Donc, le lendemain, je suis en coulisses avec elle, parce que c'est une nana que je joue tous les jours avec elle, je lui dis « ça va, tu vas bien ?» Elle me dit « oui ». Je lui dis « moi, tu sais, on est un duo, on est un binôme, on s'entend plutôt bien, tout se passe bien entre nous, tu sais, s'il y a des problèmes, on est là, on en parle ». Oui, au fil. Bah, je dis « je ne comprends pas pourquoi tu allais te plaindre au directeur du théâtre. » Quoi ? Ouais. Je dis « tu allais te plaindre au directeur. » Quoi ? Mais oui, tu veux savoir ? Tu veux savoir, au fil ? Elle commence à crier. Si tu connais les meufs qui vont dans les montagnes russes, tu sais, nous, on est plutôt calme, tu sais, on est comme ça. Oui, et ben voilà, et ben la dernière fois, tu t'es mouché en coulisses, et après, tu m'as touché sur scène, alors que tu t'es pas lavé les mains. Je dis, comment ? La dernière fois, j'ai entendu, t'as mangé un sandwich, et je t'ai entendu rôter. Ouais. C'est parce que des fois, on jouait cinq fois la suite un samedi, et on mangeait en coulisses vite fait, donc peut-être ça peut arriver, tu vois, peut-être, j'ai mangé, j'en sais rien, moi. Surtout si tu manges vite, quoi. Si tu manges vite, oui, tu vas mal digérer et tout. On n'a pas de lavabo, on n'a pas de WC en coulisses, on est tchic-tchac, tu vois. Bien sûr, ouais. Et d'ailleurs, je pensais vraiment pas qu'avant la fin de l'épisode, on aurait le retour de l'Achnouna magique. Ah ouais, l'Achnouna, elle est revenue, là, tu vois, apparemment. Et je lui dis, donc je lui dis, c'est pour ça que t'allais te plaindre au directeur du théâtre pour une histoire de, tu vois, de mouchage, de ro, machin. Ouais, et tu veux savoir, on voit que toi sur scène. Ophir, je n'existe même plus. T'as écrit comme ça, je dis, mais c'est quoi, c'est trop ouf. Ouais, donc c'est un problème d'ego, quoi. Voilà, et du coup, je prends son moi, je lui dis, je ne vais pas l'enchaîner, j'en ai envie de l'enchaîner sa grand-mère, mais j'ai pris son moi. Donc, du coup, j'ai vu à qui j'avais affaire, et du coup, j'ai joué avec elle, et c'était bonjour, au revoir, et on jouait sur scène, c'était froid, quoi. Enfin, il y avait une froid, quoi. Il y avait plus d'ambiance, quoi. J'ai vu que j'étais avec une femme qui me trahissait, qui avait envie que je saute, en fait. Parce qu'elle voyait que peut-être que j'avais trop de power sur scène et qu'elle n'existait même plus, ça, apparemment, à ce que j'ai compris, tu vois. Mm-hmm. Et puis tu sais, c'est une pièce où je jouais aussi la belle-mère déguisée en la belle-mère arabe, marocaine et tout. Du coup, elle sortait, c'était une Française qui sortait avec un feuge. Donc du coup, une fois, sa belle-famille est venue et toute sa famille. Ah, Ophir, sur ma vie, qu'est-ce que tu nous as fait kiffer sur la Torah quand tu fais la mère en arabie, je voyais ma mère. Elle était comme ça, tirer la gueule. Ouais, de la jalousie, quoi. Voilà. Et du coup, il y avait une mauvaise ambiance et du coup. Elle a mis une mauvaise ambiance avec le régisseur. Donc, elle a parlé au régisseur. Le régisseur me faisait la gueule. L'ouvreuse me faisait la gueule. Je dis, oh lolo, tu sais, je viens jouer une prestation, frérot, où tout le monde te tire la gueule. Oh. Je dis, donc là, ça ne va pas. La meuf, elle a monté la tête à tout le monde. Et donc, ce que je vais faire, je la joue sournois. Je vais sur Facebook et je vois qu'il y a une comédienne qui a joué la pièce que je joue. Je lui dis, ouais, t'as déjà joué la pièce, t'habites à Paris. Elle me dit, oui, j'habite à Paris. Pourquoi ? Je dis, parce qu'on cherche peut-être une comédienne pour la pièce. Ah ouais, bah c'est cool. C'est gentil de penser à moi. Je dis, écoute, je reviens vers toi. Peut-être qu'ils vont faire un casting. Donc moi, entre-temps, ce que je fais, j'ai tout planifié. Je vais voir le directeur du théâtre. Il me dit, oui, Ophir, apparemment, tu veux me parler. Je dis, oui, écoute, j'ai un souci. C'est que je joue avec une comédienne qui tire la gueule. Et il me regarde comme ça dans les yeux, il me fait « C'est vrai qu'elle tire la gueule. » Je dis « Oui, tu sais, le souci, c'est que c'est une pièce humoristique, c'est une comédie, on est censé faire rire les gens. Et cette fille-là, en plus, je lui dis « En plus de ça, c'est que c'est comme une tomate pourrie dans une caisse. » Et il me regarde et il me fait « Ah ouais ?» Elle plombe l'ambiance, quoi. Voilà. Il me dit « Ophir, c'est vrai qu'elle n'arrête pas de se plaindre de toi au régisseur, à l'ouvreuse, machin. » Il me dit « Moi, je n'inquiète pas ça dans mon établissement. » Il m'a dit, « Toi, j'ai rien contre toi, Ophir. Tu es toujours souriant. Tu parles à tout le monde. Tu es un chouette type. Moi, je n'ai jamais eu de… » Tu vois, il y a juste elle qui n'arrête pas de parler. Et moi, je n'accepte pas ça dans mon établissement. Et c'est vrai, tu as raison. C'est comme une tomate pourrie dans une caisse. Il me dit, « C'est bon, je la vire. » Je dis, « Attends. Je ne veux pas que tu la vires. Je suis quand même… je suis un mec quand même sympathique. Je ne suis pas là pour virer les gens. » Je lui dis, « Non, mais je cherche pas que tu la vires. » Il me dit, « Ophir, j'ai pas le temps. J'ai trois théâtres. J'ai une usine à faire tourner. Je n'ai pas le temps pour ça. Ophir, est-ce que juste tu as une autre comédienne à me présenter ?» Je dis, oui, j'ai une autre comédienne. Elle s'appelle ça, temps et machin. Et elle connaît la pièce de théâtre par cœur. Elle a joué à la Comédie de Lille. Et elle connaît la pièce par cœur. Super, fais-moi voir son nom. Il dit, ah bah, c'est bon, je l'ai en ami Facebook. Ok, je m'en occupe, Ophir. Je dis, tu veux son numéro de téléphone ? Oh, t'inquiète, j'ai son Facebook, t'inquiète. Donc moi, entre-temps, je vais jouer… Je vais jouer à Lyon au Bouboui, parce que je jouais mon one-man show les dimanches et lundi au Bouboui. Je revenais jouer la pièce. Et donc, j'ai l'autre comédien qui m'appelle, qui me remplace. Ophir, qu'est-ce qui se passe ? T'as foutu la merde, il cherche la comédienne de partout. Ça chauffe, qu'est-ce qui se passe ? Je dis, t'inquiète pas, j'ai fait un truc, t'inquiète pas. Du coup, je reviens, la comédienne était virée, et je joue avec la nouvelle. Donc, l'autre, il a contacté. Et l'autre, elle m'appelle, elle me dit, super gentil de penser à moi. En plus, c'est payé par cachet, super. Et du coup, je fais répéter l'autre. Ouais. Et l'autre a été viré. Ouais, ouais. Et du coup, bah, je fais la prestation avec l'autre. Et l'ouvreuse et le régisseur, ils sont comme des dingues. c'est pas bien ce que tu as fait. Nanana. Ils ont dit, non, ils n'ont pas dit directement à moi, ils ont dit à l'autre comédien. Il dit, mais Ophir, il n'a rien fait. Il joue, il fait sa prestation. La meuf, elle le taille par derrière. Elle se plaint au directeur. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Elle se plaint au directeur. Le directeur l'a convoqué avec les auteurs de la pièce. Il en a ramassé plein la gueule. Il a envoyé la monnaie de la pièce. Bah oui. Franchement, c'était de bonne guerre. Tu vois, si elle avait rien dit au départ, ben, vous seriez peut-être encore sur scène ensemble. Bah oui. Et elle ne s'y attendait pas, en fait. J'ai tellement fait le truc. Il y a Arflita, tu vois, je l'ai fait tellement bien. Parce que non seulement je l'ai viré, et en plus je l'ai remplacé. Franchement, c'est une anecdote en or, vraiment un coup de maître. Mais de fou, et le régisseur, il était amoureux d'elle, je crois. En fait, j'avais compris, il était amoureux d'elle. Donc lui, il pouvait plus faire la régie. Ah oui. Donc lui, il y a l'autre qui prenait ses horaires, et j'ai fait un nettoyage à Karcher. T'as bien géré, t'as franchement bien géré. Quelque part, c'est ça aussi, tu vois. Genre, c'est un métier dans lequel, si on te fait des sales coups, si t'as la possibilité de les rendre. Je suis quelqu'un d'extrêmement rancunier, un peu comme là dans ton histoire et tout. Et je suis quelqu'un d'extrêmement reconnaissant. C'est-à-dire qu'à l'inverse, si je tombe sur quelqu'un vraiment qui fait quelque chose pour moi avec le cœur, tu vois, qui me tend la main et tout, je saurais m'en souvenir. Et si je peux, je lui rendrai l'appareil. Mais grave, grave, grave. Et du coup, tu vois, après, il y avait une bonne ambiance. Tout se passait bien parce que quand il y a comme ça une tomate pourrie, le souci c'est qu'il y a quelque chose de mal, il y a un côté malsain, mal-être qui se passe, qui se propage, tu vois. Et du coup, après il y avait une bonne ambiance, il y avait un truc bien qui se passait. Et puis des fois il faut crever l'abcès, frérot, c'est ça le problème, c'est qu'il y en a, ils osent pas des fois. Et à un moment, je suis rentré dans l'art, j'ai dit écoute, je crève l'abcès, je vais voir le directeur comme elle a fait, mais je la fais bien, tu vois, je fais bien. Ouais, et après, voilà. Mais toi, tu n'y serais pas allé si elle n'y était pas allée à la base, tu vois, c'était une vengeance. Voilà, exactement, surtout, comme on dit, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Exact, et puis surtout, si tu veux, il y avait une vraie raison. Si tu avais dit, elle m'a fait ce coup-là, même si elle s'est arrangée, maintenant je m'en fous, je vais la griller quand même pour me venger. Non, c'est que non seulement elle a fait ce coup-là, et derrière, en plus, elle faisait la gueule. Donc, j'imagine, en plus, j'allais te poser la question, j'imagine que les spectateurs le sentaient. Ouais, ils sentaient, ouais, des fois, ils sentaient qu'il y avait un truc. Après, tu sais, quand on est comédien... On joue, hein. Tu sais, j'entendais justement, quand je racontais cette anecdote, ça m'a rappelé, les gens m'ont rappelé, c'est l'anecdote de Dirty Dancing, où Patrick Swayze s'entendait pas du tout avec la comédienne. Apparemment, Dirty Dancing, c'est deux comédiens qui se détestaient. Se détestaient en coulisses et à l'écran, ça se voyait pas. Ils se haïssaient, ce qui paraît. Et alors qu'ils s'aimaient dedans. Oui, oui, oui. Mais en fait, moi, je pense que dans ta pièce, en fait, vu que tu étais en couple avec elle et tout, je veux dire, il fallait absolument qu'il y ait quand même une cohésion entre vous, qu'on sente que vous vous amusez tous les deux. Alors que si vous ne vous aimez pas, moi, je pense qu'on perd une petite dimension. Oui, quoi, dedans, il y avait une dimension qu'on machin, tu vois. On ne le faisait pas transparaître à fond, mais on sentait qu'il y avait un truc, voilà quoi. D'accord. On était là, on faisait. En tout cas, respect et bien joué. Hein. Franchement, c'est du bon. C'est vraiment… t'as géré parfaitement. T'as encaissé le coup d'abord au début. C'était dur et tout. T'as essayé d'arranger les choses. Finalement, t'as vu que ça a empiré parce qu'en plus, elle a parlé en mal de toi à tout le monde. Donc, non, sans déconner, moi, je dis une vengeance dans les règles de l'art. Chapeau bas, frérot. Chapeau bas. Ah, bah merci, frérot. Merci, merci. Surtout que je devais faire mes cachets d'intermittent. Il manquait tant de cachets et tout. Je dis, ah là là, faut pas que je perde le truc, quoi. Ah ouais, non, mais t'as bien fait. Faire mon statut. Et aujourd'hui, tu es intermittent, d'ailleurs. Voilà, et grâce à ça, et heureusement, tu vois, que j'ai appuyé, parce que je n'aurais pas été intermittent pour… en fait, j'étais en train de cotiser pour la deuxième année. Tu vois, à ce moment-là, je suis là. En plus, je dormais, j'étais en coloc, tu vois, je ne sais pas où, à Bondy. Je sortais de ma galère, quoi. J'ai une pièce, je sors de ma galère, tu vois. Elle, c'est une fille de Bouvavourge qui habite à Versailles. Elle s'en foutait, tu vois, tout lui est dû. Et moi, j'étais là, j'en voulais, frère. Tu vois, tu connais, comédien, tu ne manges pas tous les jours, tu es là, tu t'en sors. Il faut qu'il y ait une crotte de nez. Alors, tu n'as rien demandé, tu es bon vivant, tu es sympathique, tu es dynamique. Il y a toujours quelqu'un, voilà, comme ça, calceux. Ah. Et c'est une histoire d'ego, comme tu as dit. Ah, mais voilà, là, franchement, t'as géré, t'as très, très bien géré. Et bravo à toi, en tout cas. Et merci d'avoir partagé toutes ces belles anecdotes avec nous. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Eh bien, écoute, tu peux me retrouver sur Ophir, O-P-H-I-R. Voilà, on tape Ophir sur les réseaux, sur ce soit Instagram, ce soit, de toute façon, avec un prénom à dormir debout, comme ça, on me retrouve. Hein. Je n'ai pas besoin de vous donner de nom. OPHIR, on me retrouve. D'accord. Et puis, Facebook, Instagram, ouais. Ouais, voilà, Instagram, etc. Twitter, YouTube. Ouais, YouTube. Ouais, un petit peu partout. Vous tapez OPHIR, vous me trouvez. Et, okay. Puis là, je suis content parce que je suis sur un projet de série. Après les pièces, après le One Man, les pièces, je suis sur une série qui s'appelle Walking Dead Hexagone. En fait, c'est la version de Walking Dead, version française. C'est cool, ça. Et ça sort quand, du coup? Bah là, on est en train de la tourner à Lyon. C'est le premier épisode. Et en fait, le réalisateur va vendre ça à des plateformes. Donc, je ne sais pas quelle plateforme. Je ne sais pas si c'est Amazon, truc, ou d'autres plateformes internationales. Parce qu'il y a tellement de plateformes qui sont en train d'être créées en ce moment. Parce que ça cartonne les plateformes où, justement, il y a plein de séries, des choses comme ça. Donc, je ne sais pas encore. Mais là, on tourne encore deux week-ends. La dernière, c'est le 22 mai. Donc, avec des zombies, des trucs comme ça. C'est incroyable. La maquilleuse qui est faite... J'ai l'impression de voir des vrais zombies, quoi. Et puis, j'ai le premier rôle dedans, donc ça me projette dans encore un autre univers, et je suis content parce que c'est du contre-emploi, parce que j'ai un rôle sérieux dedans. Donc, Du coup, patronona, quoi. Patronona, voilà. Ce qu'elle me dit, une comédienne, c'est qu'elle me dit, en fait, Ophir, toi, t'as le... Parce que nous, tu sais, on fait du stand-up, frérot, donc c'est vrai qu'on est à l'aise, déjà, dans le langage et tout. Tu vois, on a ce maîtrise. Mais... contrairement au stand-up ou aux pièces de théâtre, c'est que le cinéma, les séries, en fait, faut pas appuyer le texte, faut parler comme dans la vie, faut en faire le moins possible, faut pas porter la voix, en fait. Donc j'ai donc de ce côté-là, tu vois, j'essaye. Et par contre, il y a un avantage et un inconvénient, c'est-à-dire que des fois on appuie trop, alors du coup j'allège. Et et il y a d'un côté où, à différence d'autres comédiens, c'est que nous, on met beaucoup de couleurs dans ce qu'on dit, parce qu'on a l'habitude, en fait, du public. Quand on a un public, on met la couleur sur nos vannes, sur nos trucs. C'est ce qu'elle me disait, une des comédiennes. Elle me dit, ce qui est bien, Ophir, c'est que tu mets plein de couleurs dans chaque phrase, tu vois, contrairement à d'autres comédiens, tu vois. Mais maintenant, faut tempérer, en fait. Faut savoir tempérer. Faut savoir tempérer et au moins en faire possible, quoi. Eh bien, en tout cas, bravo à toi, félicitations pour ce rôle, et puis on espère voir ça bientôt. En tout cas, je mettrai les liens vers Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. Ouais, les gens, ils peuvent me suivre. Et puis, j'avais fait le Tarmac, tu te rappelles, je t'en avais parlé quand on s'était vu au Lion du Rire. Génial, t'as fait un passage sur le juif pauvre. Voilà, que j'avais fait quand j'étais avec toi, je crois, quand on s'était vu à Villeurbanne. Oui, on s'était vu à Villeurbanne, c'est ça, ouais. Je crois que c'est le soir où j'avais remporté, là. C'était ça, c'était ce soir-là. Oui, c'est ça. Oui. Ah, franchement, ton sketch, il était taillé vraiment nickel sur mesure. Et donc, au Tarmac, j'ai cru comprendre que tu avais cartonné. Ouais, et du coup, je pensais pas que ça allait bien prendre comme ça. Hein. Au Canada, j'ai des gens qui me suivent au Canada, un peu partout. Génial. En fait, le sketch, il a tourné parce que comme c'est un concept, le juif pauvre, qu'on n'a jamais entendu, tu vois, on a déjà entendu le juif arabe, le machin, tout. Mais le juif pauvre, c'est tellement... Il y en a, ils me disent un oxymore que... Voilà. Que le sketch, il a fait un million sur Facebook, il a tourné, quoi. Il a, c'est incroyable. Ouais. Ça fait en fait, tu casses un cliché, en fait. C'est ça, exactement. Je casse un cliché, justement. Le cliché, en fait, je le casse. Et c'est ça, en fait. On s'y attend pas, en fait. On s'y attend pas. Bien sûr. Je mettrai le lien également vers le sketch sur Facebook, si tu veux. Comme ça, les gens pourront aller découvrir ça avec grand plaisir. Merci beaucoup. On te retrouve un petit peu partout, du coup. Et pour ma part, vous me retrouvez également sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous. Même à toi là-bas.